Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 11. De l'acte de la volonté nommée jouissance. Que la jouissance appartient à la volonté est particulièrement propre à l'être raisonnable, comment elle s'applique à la fin dernière? 1. Jouirait-il un acte de la puissance appétitive? Le mot jouir, en latin fruit, ainsi que le mot jouissance, fruitio, tirent leur origine des fruits matériels, qui sont la dernière production que l'on attend d'un arbre et que l'on cueille avec satisfaction. Jouir signifie, par conséquent, l'amour ou le plaisir que fait éprouver la dernière chose que l'on attend, je veux dire la fin. Et comme la puissance appétitive ou la volonté a précisément pour objet la fin et le bien, la jouissance lui appartient. Note. La béatitude, comme vision de Dieu, est un acte de l'intelligence, comme bien, et comme fin, elle est l'acte de la volonté qui en jouit. Il y a deux choses, en effet, dans la délectation, la perception d'un bien qui convient, et la complaisance dans ce bien, cette dernière appartient à la volonté. Jouir, dit saint Augustin, c'est s'attacher à une chose et l'aimer à cause d'elle-même. Fin de la note. 2. La jouissance est-elle propre aux créatures raisonnables? La connaissance complète de la fin et du bien universel n'appartenant qu'aux créatures raisonnables, la jouissance leur convient proprement et parfaitement. Elle convient imparfaitement aux animaux qui connaissent certains biens et certaines fins en particulier, qu'ils obtiennent en vertu d'un instinct naturel. Elle ne convient nullement aux autres créatures. 3. La jouissance a-t-elle proprement pour objet la fin dernière? On ne jouit pas, a dit saint Augustin, si la volonté se porte vers un but en vue d'une autre fin. La véritable jouissance n'est effectivement que dans la fin dernière, laquelle est recherchée, non dans une autre vue, mais pour elle-même. Avant ce dernier terme, aucune jouissance n'est entière. Note. Tant que la volonté attend quelque chose, elle n'a pas un repos complet. On peut la comparer à un mobile qui ne se repose qu'au terme final, bien que chaque point intermédiaire puisse être regardé comme un point de départ et comme un terme particulier. Fin de la note. 4. La jouissance n'a-t-elle pour objet que la fin dernière réellement possédée? La fin dernière peut être possédée parfaitement et imparfaitement, parfaitement, quand on la possède en réalité, imparfaitement, quand on ne la possède que dans l'intention. Par suite de cette distinction, nous dirons que la jouissance parfaite a pour objet la fin dernière réellement possédée, et la jouissance imparfaite, cette même fin possédée, non en réalité, mais dans l'intention. Note. Jouir. D'après saint Augustin, c'est s'attacher à une chose pour elle-même, on peut s'attacher ainsi à la fin dernière, lorsqu'on ne la possède pas encore. La jouissance qui consiste à s'attacher à une autre chose qu'à la fin suprême n'a pas le caractère de la véritable jouissance. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.